50 languages. 51. 51. 51. القيام بمهمات. Faire des courses. Faire des courses. سأذهب إلى المكتبة العمومية. Je veux aller à la bibliothèque. Je veux aller à la bibliothèque. سأذهب إلى المكتبة. سأذهب إلى محل بيع الكتب. Je veux aller à la librairie. Je veux aller à la librairie. سأذهب إلى الكشك. Je veux aller au kiosque. Je veux aller au kiosque. سأستعير كتابا. Je veux emprunter un livre. Je veux emprunter un livre. سأشتري كتابا. Je veux acheter un livre. Je veux acheter un livre. سأشتري جريدة. سأشتري صحيفة. Je veux acheter un journal. Je veux acheter un journal. سأذهب إلى المكتبة العمومية لاستعارة كتاب. Je veux aller à la bibliothèque pour emprunter un livre. Je veux aller à la bibliothèque pour emprunter un livre. سأذهب إلى المكتبة لشراء كتاب. Je veux aller à la librairie pour acheter un livre. Je veux aller à la librairie pour acheter un livre. سأذهب إلى الكشك لشراء جريدة. Je veux aller au kiosque pour acheter un journal. Je veux aller au kiosque pour acheter un journal. سأذهب إلى أخصائي البصريات. Je veux aller chez l'opticien. Je veux aller chez l'opticien. سأذهب إلى المتجر الكبير. Je veux aller au supermarché. Je veux aller au supermarché. سأذهب إلى الخباز. Je veux aller chez le boulanger. Je veux aller chez le boulanger. سأشتري نظارة. Je veux acheter une paire de lunettes. Je veux acheter une paire de lunettes. سأشتري فاكهة وخضارا. Je veux acheter des fruits et des légumes. Je veux acheter des fruits et des légumes. سأشتري خبز صمون وخبزا عاديا. Je veux acheter des petits pains et du pain. Je veux acheter des petits pains et du pain. سأذهب إلى أخصائي البصريات لشراء نظارة. Je veux aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes. Je veux aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes. سأذهب إلى المتجر الكبير لشراء فاكهة وخضار. Je veux aller au supermarché pour acheter des fruits et des légumes. Je veux aller au supermarché pour acheter des fruits et des légumes. سأذهب إلى الخباز لشراء خبز صمون وخبز عادي. Je veux aller chez le boulanger pour acheter des petits pains et du pain. Je veux aller chez le boulanger pour pour acheter des petits pains et du pain.